Chapitre 7. Sur les traces de la Contessina. La Contessina. Puis la première pensée traversa comme un éclair le cerveau de Jim après ce nouveau swing. La fille de la sua excellenza, la Contessina, n'est visible pour personne, avait répondu au téléphone ce matin le domestique du comte di Mirandello. Cependant, le comte était veuf et aucun des journaux n'avait parlé d'une fille. Peut-être y avait-il encore moyen de réparer la gaffe formidable qui le livrerait pieds et poings liés au sarcasme de l'inspecteur Lutz. Après une demi-douzaine de coups de sonnette perçants, on vint lui ouvrir. Un individu, au visage endormi, retenant à grand-peine des bâillements irrésistibles, le considéra d'un œil abruti, sans comprendre ce qu'on lui disait. Montrant l'autorisation spéciale délivrée par le Scotland Yard, Jim le repoussa de côté d'un geste énergique et entra. « Je suis un auxiliaire de police en service commandé et j'ai besoin de renseignements que je vous engage à me fournir sur le champ », déclara-t-il impérieusement, profitant de l'état de demi-sommeil dans lequel se trouvait le personnage. « Où est la Contessina ?»« Mademoiselle est sortie. Mais elle reviendra ?»« Mademoiselle m'a donné l'ordre de ne recevoir personne. » Cet ordre ne compte pas pour la police. Je vous préviens que si vous ne me répondez pas, vous le payerez cher. Quand la Contessina est-elle arrivée? Hier soir, monsieur. Pour ne pas inquiéter mademoiselle, je ne l'avais pas avertie de la disparition de monsieur le comte, mais elle a dû l'apprendre par les journaux, et elle est immédiatement arrivée. Arrivée d'où? De Felixstowe, Ladies College. De Felixstowe, où mademoiselle complète son éducation. « Mademoiselle est déjà venue à Londres deux fois pour rendre visite à monsieur le comte. » Jim hésita un instant. S'était-il trompé? Commettrait-il une nouvelle gaffe? La Contessina et ce domestique étaient-ils aussi réels que Josiah Wentworth et George avaient été faux? Un coup de téléphone lui avait permis de mesurer toute la portée du service pour lequel l'avait remercié le soi-disant frère du millionnaire. À 9h du matin, on avait téléphoné au bureau de Wentworth que le directeur, absorbé par une affaire urgente, ne viendrait pas de la journée. Par un hasard absolument exceptionnel, la dactylo distraite, qui avait dû communiquer avec son sweetheart immédiatement après, avait oublié la commission. Les bandits se croyaient donc en sûreté pour toute la journée et seraient tombés entre les mains de la police n'était sa propre crédulité. Jim se mordit les lèvres jusqu'au sang. Tant pis, même s'il risquait de se tromper, il devait conduire cette investigation jusqu'au bout. C'était le seul moyen de se racheter. « Depuis combien de temps servez-vous chez le comte di Mirandello ? » demanda-t-il brusquement. « Depuis que monsieur le comte est à Londres, un an et demi. En qualité de ?» Son interlocuteur hésita un instant, puis... en qualité de secrétaire. Et, comme Jim le scrutait d'un regard aigu, il ajouta fermement, obéissant à une impulsion subite. Ou plutôt, en qualité de valet de chambre. Cet individu suspect, se dit Jim, n'est même pas sûr de son rôle. Tâtant à travers son veston la crosse de son automatique, il ordonna. Conduisez-moi dans la galerie de tableaux. « Oui, monsieur. Par ici. Elle se trouve au deuxième étage et elle est gardée par des policemen. » Jim se ravisa. « C'est bien. Conduisez-moi d'abord dans le cabinet de travail du comte. » L'individu le précéda docilement, marchant comme un lunatique. Dans le cabinet de travail, deux portraits peints de main de maître attirèrent immédiatement l'attention de Jim. Celui d'un homme au type florentin, à l'allure aristocratique, le parfait grand seigneur, pensa Jim, et d'une très jeune fille au visage de Madone, aux cheveux châtains. Le comte et la Contessina, expliqua le secrétaire valet de chambre. Il regardait curieusement Jim, comme s'il venait seulement de s'apercevoir à qui il parlait. Il semblait sortir lentement d'une sorte de torpeur. Jim considérait avec soupçon et mépris son visage épais et ensommeillé. Trop bête pour être un malfaiteur, déclara-t-il à part lui, le larbin. Une main sur la poche de son veston, prêt à tirer le revolver à la première alerte, Jim continua l'interrogatoire. Votre nom, John, le nom de famille. Est-ce bien nécessaire? Demanda John. Je l'ai déjà donné une fois à la police. Jim faillit s'étrangler d'indignation. Allons, pas d'histoire, le nom. Monsieur le détective, déclara avec dignité le domestique, je vous demande la discrétion totale. Vous comprendrez aisément pourquoi. Et il tendit au jeune homme des papiers d'identité parfaitement en règle au nom de Lord Chesterton. Jim, privé pour quelques moments du don de la parole, le regarda bouche bée. Le Lord, dont le visage s'éveillait de plus en plus, déclara « Ma famille est ruinée depuis la guerre et je me suis vu dans l'obligation de prendre le premier travail qui s'offrait. Mon patron, comme vous devez le savoir, est comte du pape depuis 2 ans et je me suis engagé à lui apprendre certaines choses qu'un aristocrate doit connaître. Je préfère travailler dans l'ombre et lui donner ses indications à l'insu de tous. C'est plus commode pour nous deux. En ma qualité de deuxième valet de chambre, je n'ai pas à paraître devant les visiteurs. » Et, sous le regard muet de Jim, il ajouta dignement. « Si vous ne me croyez pas, monsieur le détective, adressez-vous à votre chef, monsieur l'inspecteur Leeds, qui a déjà jugé nécessaire de s'assurer de mon identité. » Retrouvant la parole, Jim dit une voix sans timbre. « Pourquoi dormiez-vous à cette heure-ci ? » Lord Chesterton parut troublé. « C'est étrange, en effet, » murmura-t-il. « Je ne le sais pas moi-même. Je suis allé me coucher hier, comme de coutume, après avoir veillé à ce que la comtessina fût bien installée. Nous avons tous dîné assez tard, à cause de son arrivée imprévue. Qui, nous ? Le personnel de la maison, monsieur. Le cuisinier, le marmiton, le premier valet de chambre, la camériste de la comtessina. Vous l'appelez toujours la comtessina ? Monsieur le comte lui-même dit « Ma fille, la comtessina. » Je lui ai bien dit que cela ne se faisait pas, mais... » Et Lord Chesterton haussa significativement les épaules. « Vous avez donc tous dîné à la table des domestiques. Et puis ?»« Je ne me suis réveillé qu'à votre coup de sonnette, monsieur. Quelle heure est-il ?»« Bientôt 4 heures de l'après-midi. » »« Quoi ?»« Ce que vous entendez, comment savez-vous que la comtessina est sortie ?»« J'ai vu, en passant, sa chambre vide, comme d'ailleurs toutes les autres. » « Je me demande ce que font les domestiques. Que se passe-t-il donc encore ?»« Vous avez bu du vin, hier soir ?»« Oui, comme toujours à dîner. » »« Et la camériste de la comtessina, vous la connaissez ?»« Non, c'est une nouvelle. Je... »« Vous avez été drogué, vite, à la galerie de tableaux. » Ils montèrent l'escalier en courant. Les portes, scellées par la police, avaient été fracturées. Les policemen, ligotés et bâillonnés, gisaient dans un coin comme des paquets. Jim et son compagnon détachèrent leurs liens, mais les agents, encore sous l'influence du chloroforme, les regardèrent d'un air ahuri sans pouvoir rien dire. Toutes les toiles, sauf 2, avaient été enlevées. « Elle reviendra chercher ces 2-là, » murmura Jim. Le deuxième valet de chambre, entièrement réveillé, descendit 4 à 4 l'escalier avec une énergie inattendue et se pendit au téléphone demandant Scotland Yard. Jim, abandonnant Lord Chesterton, sortit précipitamment de la maison, se posta devant l'entrée dans une encoignure de façon à n'être pas remarqué. Il n'eut pas longtemps à attendre. Quelques instants après, une voiture s'arrêta devant la maison et une jeune fille en descendit. À peine Jim eut-il jeté un regard sur son visage de Madone Florentine, encadré de cheveux châtains, que son cœur bondit. Sans savoir ce qu'il faisait, il s'élança hors de sa cachette et souffla. « Mais... » Comme la veille, elle tressaillit violemment et le regarda de ses yeux clairs, les mêmes yeux, dans le visage pâle aux cheveux châtains coiffés à la Joconde, que dans la figure maquillée aux boucles noires. « Je ne veux pas qu'il vous prenne, » balbutia-t-il. « Sauvez-vous, la police sera ici dans quelques instants. » Elle le regardait, avec de grands yeux candides, sans paraître comprendre. Son chauffeur, avec un juron étouffé, se pencha subitement, la prit rudement par le bras, la repoussa dans l'auto et démarra. Ne pas la perdre, telle était la seule pensée de Jim quand, cherchant désespérément autour de lui du regard, il avisa enfin un taxi qui passait et le héla de toutes ses forces. « Suivez cette voiture qui tourne le coin, » ordonna-t-il au chauffeur. « 5 livres si vous ne la perdez pas. » En route, sans quitter des yeux la Hotchkiss grise que son chauffeur suivait habilement dans tous ses détours, Jim, revenant à lui, murmura « Pour la deuxième fois aujourd'hui, je soustrais les bandits à la police. Joli métier que je fais là !» Après le long détour, apparemment destiné à dépister les fileurs éventuels, la Hotchkiss stoppa subitement à l'angle de Queen's Road. Dès que la contessina eut mis les pieds à terre, la voiture s'éloigna à toute vitesse. Inexprimablement soulagé, Jim jeta un billet à son chauffeur et, en quelques enjambées, rejoignit la jeune fille. Elle marchait tranquillement sans se retourner. Il ne lui venait apparemment pas à l'idée qu'elle pouvait être suivie. Une timidité de collégien s'empara soudain de Jim. « Mademoiselle, » bredouilla-t-il. Elle le mesura d'un air étonné et hautain et se détourna calmement. Cette aventurière au regard candide, se dit Jim avec une certaine admiration, à un cran de tous les diables. Son hardissant, il se rapprocha de nouveau d'elle et murmura « J'ai eu le plaisir de vous admirer sous le nom de Miss Edith Fairfax. » Elle le regarda, surprise, et haussa de nouveau les épaules. « C'est une erreur, monsieur. »« Ce n'est pas une erreur, Miss Edith Fairfax. » Elle eut un regard un peu inquiet. « Ce nom me paraît vaguement connu, mais vous vous trompez, monsieur. Ce n'est pas moi. » Jim se mit à rire. Décidément, elle l'amusait. « En effet, mademoiselle, ce n'est pas vous. Je suis payé pour le savoir. Votre nom n'est pas Edith Fairfax. Il est Bianca di Mirandello. » « Enchanté, Contessina, » fit-il en s'inclinant. « Jim Joy. » De nouveau, elle eut un regard vaguement inquiet. « Ce nom-là aussi, je l'ai entendu quelque part. Je suis heureux que ma modeste réputation soit parvenue jusqu'à vous. Je ne me doutais pas qu'on parlait de moi dans votre milieu, bien qu'aujourd'hui, évidemment, j'ai rendu au vôtre certains services. » Elle le regardait de ses yeux ingénus, l'absence de phare, la nouvelle forme artistement donnée à la bouche et aux sourcils, et qu'on eût juré naturelle, les cheveux lisses et châtains, jocondes, sous le petit feutre gris-argent, la toilette élégante mais très discrète, la faisait paraître plus familière. Et le quelque chose de doux et de simple, le quelque chose de mais, était toujours là. Maintenant, Jim l'aurait reconnu entre 1000, sous n'importe quel déguisement. « Quelle actrice !» se disait-il en grinçant des dents. « Quelle actrice consommée !» Oscillant entre la rage et le rire, il adopta de nouveau un ton plaisant. « Et que comptez-vous entreprendre maintenant, Contessina ?»« Il m'est interdit, monsieur, » répliqua-t-elle sérieusement, « de parler à des étrangers. » « Vous me considérez comme un étranger, après la preuve de dévouement que je vous ai donnée tout à l'heure. Mais savez-vous qu'on peut m'arrêter pour complicité ?»« Je ne vous comprends pas, » dit-elle froidement. « Cessez donc de jouer à cache-cache. Je sais que vous appartenez à la bande de criminels qui a organisé tous ces enlèvements. Je sais que vous les servez admirablement en jouant en perfection les rôles de jeunes filles du meilleur monde. » Je pourrais sur le champ vous livrer à la police. Si je ne le fais pas, c'est parce que, pour des raisons que vous n'avez pas besoin de connaître, éluda-t-il un peu vaguement. Puis, pris d'une rage soudaine, il saisit son bras et cria presque « Comprenez-vous ?» et secoua lentement la tête. « Je ne comprends pas. » Sous le regard clair et vide de ses yeux, Jim se sentit secoué par un frisson inexplicable. Une angoisse étrange le glaçait. Il y avait là un mystère qu'il ne pénétrait pas. « Est-elle folle ?» se demanda-t-il. Puis, brusquement, « Edith !» Elle ne broncha pas. « Bianca !» Elle leva docilement des yeux vides. « Mais !» Pour la troisième fois, en entendant ce nom, elle frémit. Une souffrance aiguë transperça le vide bleu de son regard, et sa bouche se tordit douloureusement. « Mais !» répéta-t-elle. « Mais !» « Pourquoi m'appelez-vous ainsi ? Comment vous appelez-vous en réalité ? Je ne sais pas. Où allez-vous ? Je vais dans cette maison. » Et elle indiqua un des immeubles situés en Queen's Road. « Pourquoi allez-vous là-bas ? Je dois y aller. Pourquoi faire ? Je ne sais pas. Qui vous a dit de le faire ? Je ne sais pas. Alors, n'y allez pas. Je ne peux pas. » Une fureur folle convulsa Jim. Elle fait l'idiote pour me rouler et je marche à fond, comme un imbécile que je suis, murmura-t-il. Ils étaient parvenus devant l'immeuble situé au 31 Queen's Road. Elle était sur le point d'entrer quand il la saisit par le bras. « N'entrez pas. Que faites-vous parmi cette bande de criminels ? Vous si jeune, si fine, si différente des autres, pourquoi sacrifier votre avenir ? Vous n'êtes pas faite pour ces aventures ténébreuses. Écoutez-moi, oubliez le passé, venez, je vous cacherai des bandits, de la police, de tous, je vous sauverai, je vous emmènerai au bout du monde. » Elle l'écoutait, les sourcils levés, comme faisant un effort pour comprendre. Puis, passant sa main sur son front, comme pour chasser des idées importunes, elle se retourna et entra. Jim la suivit dans l'escalier. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. « Je suis la contessina Bianca di Mirandello, » dit-elle d'une voix monotone, comme une leçon apprise par cœur. « Ce n'est pas vrai, vous mentez, vous n'êtes pas la contessina. Vous n'êtes pas la contessina. Vous n'êtes pas la contessina. » Elle chancela légèrement et se retourna vers lui. « Je ne suis pas la contessina ? » répéta-t-elle d'une voix incertaine. « Non. Qui suis-je ? » Jim porta la main à son front en sueur. « Est-ce que je perds la raison ? » se demanda-t-il. Puis, une fois de plus, la saisissant par la main avec sa dernière énergie, « Venez !» Elle secoua la tête. « Je dois aller ? » dit-elle en reprenant sa voix monotone. « Je dois aller au 31 Queen's Road, au premier étage, chez Miss Sarah Smith. » Jim laissa échapper sa main et la contempla, la respiration suspendue. Puis, il jeta un regard autour de lui. « 31 Queen's Road, mais il y était allé lui-même, une fois, chercher May Smith, pour la ramener en voiture à Guildford, mais qui obstinément, quand elle venait à Londres, refusait toute distraction et se confinait dans l'appartement de la vieille tante infirme de son mari, Miss Sarah Smith. Le cerveau de Jim, déjà ébranlé par les divers événements de la journée, était en proie au vertige. « Vous allez chez Miss Sarah Smith ?» Déjà, elle appuyait sur la sonnette. Un pas hâtif s'approcha. La porte s'entr'ouvrit. Et Jim aperçut la bonne et entendit distinctement, venant de la pièce voisine, une voix d'homme. « Enfin, ça doit être elle. Dépêchons-nous. »« Chut !» souffla une autre voix. Poussant hardiment la porte par laquelle se glissaient mes deux, Jim demanda à la bonne. « Madame Maysmith est-elle ici ? Dites-lui que c'est de la part de son beau-frère, Monsieur Joy. »« Madame Smith n'est pas là aujourd'hui, » répondit la bonne, qui fit mine de refermer la porte. « Dans ce cas, je voudrais parler à Miss Smith. » « Miss Smith ne reçoit personne, monsieur. »« Personne ? Et cette dame ?» demanda Jim en cherchant des yeux mais deux. Mais elle avait déjà disparu. « C'est l'infirmière de Miss Smith. Elle vient de la part de son médecin. »« Excusez-moi, monsieur, mais Miss Smith est très mal. Elle a besoin de moi. » Et la bonne lui referma la porte au nez.